Lévitique chapitre 4. L'Éternel parla encore à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, quand une personne aura péché par erreur contre quelqu'un des commandements de l'Éternel, en commettant des choses qui ne se doivent point faire, et qu'il aura fait quelqu'une de ces choses, si c'est le sacrificateur ou un, qui ait commis un péché semblable à quelque faute du peuple, il offrira à l'Éternel pour son péché qu'il aura fait. Un veau sans tare, pris du troupeau, en offrande pour le péché. Il amènera le veau à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête du veau, et l'égorgera devant l'Éternel. Et le sacrificateur oint prendra du sang du veau, et l'apportera dans le tabernacle d'assignation. Et le sacrificateur trempera son doigt dans le sang, et fera aspersion du sang par sept fois devant l'Éternel, au devant du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra aussi devant l'Éternel du sang sur les cornes de l'autel du parfum des drogues, qui est dans le tabernacle d'assignation, mais il répandra tout le reste du sang du veau au pied de l'autel de l'Holocauste, qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et il lèvera toute la graisse du veau de l'offrande pour le péché, savoir, la graisse qui couvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles. Et les deux rognons avec la graisse qui est sur eux, jusque sur les flancs, et il ôtera la taie qui est sur le foie pour la mettre sur les rognons, comme on les ôte du bœuf du sacrifice de prospérité, et le sacrificateur fera fumer, toutes ces choses-là sur l'autel de l'Holocauste. Mais quant à la peau du veau et toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles, et sa fiente, et même tout le veau, il le tirera hors du camp dans un lieu net, où l'on répand les cendres, et il le brûlera sur du bois au feu, il sera brûlé au lieu où l'on répand les cendres. Et si toute l'assemblée d'Israël a péché par erreur, et que la chose n'ait pas été aperçue par l'assemblée, et qu'ils aient violé quelques commandements de l'Éternel, en commettant des choses qui ne se doivent point faire, et se soient rendus coupables, et que le péché qu'ils ont fait vienne en évidence, l'assemblée offrira en offrande pour le péché un veau pris du troupeau, et on l'amènera devant le tabernacle d'assignation. Et les anciens de l'assemblée, poseront leurs mains sur la tête du veau devant l'Éternel. Et le sacrificateur oint portera du sang du veau dans le tabernacle d'assignation. Ensuite le sacrificateur trempera son doigt dans le sang, et en fera aspersion devant l'Éternel au devant du voile, par sept fois. Et il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans le tabernacle d'assignation, et il répandra tout le reste du sang au pied de l'autel de l'Holocauste, qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et il lèvera toute sa graisse, et la fera fumer sur l'autel, et il fera de ce veau, comme il a fait du veau de l'offrande pour son péché. Le sacrificateur fera ainsi, il fera propitiation pour eux, et il leur sera pardonné. Puis il tirera hors du camp le veau, et le brûlera comme il a brûlé le premier veau, car c'est l'offrande pour le péché de l'assemblée. Que si quelqu'un des principaux a péché, ayant violé par erreur quelqu'un des commandements de l'Éternel son Dieu, en commettant des choses qui ne se doivent point faire, et s'est rendu coupable, et qu'on l'avertisse de son péché, qu'il a commis, il amènera pour sacrifice un jeune bouc mâle sans tare, et il posera sa main sur la tête du bouc, et on l'égorgera au lieu où l'on égorge l'Holocauste devant l'Éternel, car c'est une offrande pour le péché. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de l'offrande pour le péché, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il répandra le reste de son sang au pied de l'autel de l'Holocauste. Et il fera fumer toute sa graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de prospérité, ainsi le sacrificateur fera propitiation pour lui de son péché, et il lui sera pardonné. Que si quelque personne du commun peuple a péché par erreur, en violant quelqu'un des commandements de l'Éternel, et en commettant des choses qui ne se doivent point faire, et s'est rendu coupable, et qu'on l'avertisse de son péché qu'il a commis, il amènera son offrande d'une jeune chèvre, sans tare, femelle, pour son péché qu'il a commis. Et il posera sa main sur la tête de l'offrande pour le péché, et on égorgera l'offrande pour le péché au lieu où l'on égorge l'Holocauste. Puis le sacrificateur prendra du sang de la chèvre avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, Et il répandra tout le reste de son sang au pied de l'autel. Et il ôtera toute sa graisse comme on ôte la graisse de dessus le sacrifice de prospérité, et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel, en bonne odeur à l'Éternel, il fera propitiation pour lui, et il lui sera pardonné. Que s'il amène un agneau pour l'oblation de son péché, ce sera une femelle sans tare qu'il amènera. Et il posera sa main sur la tête de l'offrande pour le péché, et on l'égorgera pour le péché au lieu où l'on égorge l'holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de l'offrande pour le péché, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'holocauste, et il répandra tout le reste de son sang au pied de l'autel. Et il ôtera toute sa graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité, et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel par-dessus les sacrifices de l'Éternel faits par feu, et il fera propitiation pour lui, touchant son péché qu'il aura commis, et il lui sera pardonné.